إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu dans le cours d'hier l'importance pour nous de purifier nos cœurs et de corriger nos intentions. Et nous avons commencé à lire le chapitre à ce sujet, tiré de l'ouvrage « Les jardins des vertueux » d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et nous avons lu les trois versets qu'il a mentionnés au début de ce chapitre. Il a ensuite commencé a mentionné les hadiths qu'il a sélectionnés sur ce sujet et il a dit « وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبْنِ نُفَيْلَ إِبْنِ أَبِي الْعُزَّى إِبْنِ رِيَاحَ إِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ قُرْطَ إِبْنِ رَزَاحَ إِبْنِ عَدِي إِبْنِ كَعْبٍ إِبْنِ لُؤَيِّ إِبْنِ غَالِبِ الْقُرَشِي الْعَدَوِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. D'après le prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, puis il a mentionné sa lignée, qu'Allah l'agré, il a dit « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Innama al-a'malu bin niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. Wa innama li kulli mri'in ma nawa. Et chacun aura ce dont il a eu l'intention. » فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui dont la hijra, celui dont l'émigration, est vers Allah et vers son messager, alors sa hijra est vers Allah et vers son messager. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Et celui dont la hijra, celui dont l'émigration, est pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite acquérir, ou pour une femme qu'il souhaite épouser, alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadith reconnu authentique à l'unanimité. Car il est rapporté, comme il nous le dit, par les deux grands imams du hadith, qui sont Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, dans leur recueil de hadiths authentiques, qui sont les livres les plus authentiques après le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, a donc commencé son livre Les Jardins des Vertueux par le chapitre sur la sincérité et l'intention. Et ce chapitre, après avoir mentionné quelques versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a commencé par ce hadith immense, qui est une base fondamentale au sujet de la sincérité et de l'intention. On rapporte que l'imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah ta'ala a dit « Il convient à toute personne composant un livre de commencer par ce hadith. » Pourquoi ? Il dit « Afin d'attirer l'attention de l'étudiant sur la correction de l'intention. » Afin d'attirer l'attention de l'étudiant sur la correction de l'intention. Vous voyez une fois de plus que l'ordre des choses n'est pas anodin dans les livres des gens de science. Mais commencer par ce hadith nous permet de nous remettre en question et de nous rappeler la nécessité de revoir notre intention dans l'étude de la science. Qu'est-ce qui nous motive à être présents aujourd'hui dans cette assise? Quelle est notre intention? Quelle est notre motivation? Et c'est cela qui fait la différence entre les gens. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la sincérité dans les paroles et les actes et de nous aider à ne rechercher à travers cela que sa satisfaction et son agrément. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc dit dans ce hadith « Les actes ne valent que par les intentions. » C'est-à-dire que la validité de nos actes dépend de nos intentions. Et ceci englobe les actes du cœur, comme l'amour, la peur, l'espoir, la confiance, et ainsi de suite parmi les actes du cœur. Mais aussi les actes du corps et de la langue, comme la prière, l'aumône, le jeûne, ou les actes de la langue, les paroles que tu prononces, la lecture du Coran, le rappel d'Allah, le commandement du bien, l'interdiction du mal, et ainsi de suite. La validité de ces actes, elle dépend de nos intentions. Tout acte et toute parole, sa validité dépend de l'intention de son auteur. Et l'intention, c'est quoi? Il est important ici de savoir qu'est-ce que l'intention afin de pouvoir bien comprendre les choses. L'intention, c'est la volonté d'accomplir une chose. Et cette intention, elle se trouve où? Où se trouve ta volonté? Elle se trouve dans le cœur. L'intention, elle ne doit en aucun cas être prononcée par la langue, comme on l'a vu hier. Mais c'est une chose qui se trouve dans le cœur. Et elle accompagne forcément l'acte. Par exemple, lorsque tu entends l'appel à la prière et que tu te lèves en direction de la salle d'eau, c'est que tu as l'intention de faire les ablutions. Si on te demande qu'est-ce que tu vas faire à ce moment, tu vas dire, je vais faire mes ablutions. Donc tu as l'intention de faire les ablutions. C'est une chose simple. Il n'y a rien à prononcer, ni avec ta langue, ni même dans ta tête. Lorsque tu marches vers la mosquée, c'est que tu as l'intention d'y faire la prière. Si on te demande qu'est-ce que tu vas faire à la mosquée, tu vas dire, j'y vais pour faire telle ou telle prière. Donc tu as cette intention dans ton cœur. L'intention, c'est la volonté d'accomplir une chose. Elle n'est pas à prononcer par la langue, et il n'y a même rien à dire dans ta tête. C'est simplement la volonté d'accomplir une chose. Et seul celui qui a perdu la raison peut faire un acte sans intention. Celui qui a perdu sa raison, il se peut qu'il fasse des choses sans intention, mais celui qui a sa raison, lorsqu'il agit, lorsqu'il se lève, lorsqu'il s'assoit, il fait ses actes avec une intention. Et l'intention dont on parle ici, dans la première phrase de ce hadith, est l'intention de l'acte, celle qui a pour but de distinguer les actes ordinaires des adorations, ainsi que de distinguer les différentes adorations entre elles. Les actes ordinaires, c'est les choses qui n'ont pas pour but à la base de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de te doucher, de boire, de manger, de dormir, ainsi de suite. Mais ces actes ordinaires, dans certains cas, ils peuvent être accomplis pour se rapprocher d'Allah. Par exemple, un homme prend une douche avec l'intention de se rafraîchir. Il a chaud, il souhaite se rafraîchir, il va prendre une douche. Il passe de l'eau sur l'ensemble de son corps. Et un autre prend une douche pour se purifier de l'état de grande impureté, pour se purifier de l'état d'El Janaba. Ils ont donc tous deux passé de l'eau sur l'ensemble de leur corps. Mais l'acte du premier, c'est un acte quoi? Un acte ordinaire ou une adoration? C'est un acte ordinaire, car son intention était seulement de se rafraîchir. Tandis que l'acte du second est une adoration. Le premier a seulement voulu se rafraîchir, n'avait pas l'intention de se purifier, alors que le second avait pour intention de se purifier de l'état de grande impureté. Donc lui, son acte, c'est une adoration. Pourtant, dans les faits, ils ont accompli la même chose. Mais leur intention a distingué entre cet acte ordinaire et cette adoration. Et cette intention, si tu en as conscience, si tu es attentif à cela, tu pourras transformer beaucoup de tes actes et beaucoup de tes habitudes en adoration. Et il se peut même que tu sois récompensé lorsque tu dors, si tu as de bonnes intentions. C'est pour cela que des gens de science ont dit, les adorations des insouciants sont des habitudes ou des actes ordinaires, alors que les habitudes des gens lucides sont des adorations. Les adorations des gens insouciants sont des habitudes. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui est insouciant, il se lève. Il fait les ablutions par habitude. Il agit machinalement. Il prie par habitude. Il jeûne par habitude. Il donne des aumônes par habitude. Et ainsi de suite parmi les actes qu'il peut accomplir. Et il n'a pas en tête qu'il fait cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour obtenir la récompense d'Allah. Il n'a pas cela en tête. Alors que les gens lucides et éveillés, lorsqu'ils accomplissent les ablutions, ils se rappellent qu'ils font cela pour se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné de faire les ablutions pour prier. Et lorsqu'ils font les ablutions, ils se rappellent qu'ils suivent en cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils s'appliquent lors des ablutions pour se conformer à la sunna. Également, ils pensent à la récompense, au pardon de leurs péchés, et ainsi de suite. Et il en est de même pour la prière. Et leurs habitudes, à ces gens qui sont éveillés, qui sont lucides, ce sont des adorations. Car ils ont toujours de bonnes intentions. Celui qui est éveillé, celui qui est attentif à cela. Par exemple, lorsqu'il va se coucher pour dormir. Son intention, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement de dormir parce qu'il est fatigué? Non. Il pense à plus loin. Il pense qu'il a besoin de dormir. Pourquoi? Pour pouvoir se lever à l'heure du fajr. Il a besoin d'être en forme pour accomplir cette prière de la meilleure manière. Ou il se peut même qu'il dorme afin de pouvoir se lever aux dernières heures de la nuit, pour pouvoir prier la nuit. Et c'est pour cela qu'il se couche tôt. Donc son sommeil, il se transforme en adoration. Et il est récompensé lorsqu'il dort. Également lorsqu'il se rend aux courses. Il achète à boire, à manger. Les gens insouciants, ils font cela, naturellement, par habitude. pour satisfaire leurs désirs de boissons et de nourriture. Mais les gens éveillés, les gens lucides, ils font cela avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils achètent de la nourriture ou de la boisson, ils ont pour intention de nourrir leur famille, de nourrir leurs épouses, leurs enfants qui sont à leur charge. Et ainsi, ils sont récompensés lorsqu'ils achètent ces choses. Également lorsqu'ils mangent. Ils le font afin d'avoir la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Donc leurs habitudes, qui sont à la base des actes ordinaires, dormir, manger, boire, faire des courses, et ainsi de suite, elles se transforment en adoration. Pourquoi? En raison de leurs bonnes intentions. Et beaucoup de gens accomplissent ces choses de manière insouciante, et n'en tirent aucun profit. Donc tu vois ici l'importance de toujours avoir en tête qu'avec de bonnes intentions, tu peux atteindre des rangs éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette intention, elle peut transformer des actes ordinaires en adoration. Et l'intention, qui est visée ici, elle permet aussi de distinguer entre les différentes adorations. Par exemple, deux hommes peuvent tous deux prier deux unités de prière. Mais l'un accomplit Tahiyyat al-Masjid et l'autre accomplit une prière Ratiba, ou la prière de la matinée. Ou encore, à l'heure du Fajr, l'un accomplit deux unités de prière surérogatoire et un autre prie la prière obligatoire du Fajr, et ainsi de suite. Et ces prières, elles se distinguent par l'intention. Certaines sont surérogatoires, d'autres sont obligatoires, et ainsi de suite. Un autre exemple qui nous concerne en ces jours méritoires de Dhul-Hijjah, il se peut que certains jeûnent de manière surérogatoire, afin de profiter du mérite de ces jours, et que d'autres jeûnent afin de rattraper leurs jours manqués du mois de Ramadan, et accomplissent donc une œuvre obligatoire. Et qu'est-ce qui distingue entre les deux? Ce qui distingue entre les deux, c'est l'intention. Donc l'intention, elle sert à distinguer les adorations entre elles, et elle sert aussi à les distinguer des actes ordinaires. Et cette intention est d'une grande importance, et elle peut, comme on a dit, transformer les actes ordinaires en adoration, et ainsi, la personne sera sans cesse en adoration et se rapprochera sans cesse de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Et tout homme aura ce dont il a eu l'intention. » Tout homme sera rétribué en fonction de ce dont il a eu l'intention. Cette phrase ici, elle concerne une autre intention, qui est une intention supplémentaire, qui concerne la sincérité à l'ikhlas, la raison qui motive ton action. C'est-à-dire que tu es récompensé en fonction de ce qui motive ton acte, l'intention que tu as derrière l'accomplissement de cet acte. Et il n'y a pas de doute que les gens diffèrent grandement à ce sujet. Dans un même rang de prière, il se peut que deux hommes soient l'un à côté de l'autre, mais qu'il y ait entre eux, en termes de récompense, la même différence qu'il y a entre les cieux et la terre. Pourquoi? L'un d'entre eux est sincère. L'un d'entre eux prie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre prie peut-être par habitude, ou par ostentation, ou par hypocrisie. Wal'iyadu billah. Et qu'est-ce qui diffère entre les deux? Ce qui diffère entre les deux, c'est leur intention. Il se peut que deux personnes écoutent un cours religieux, que l'une d'entre elles se rapproche par cela du paradis, et que l'autre se rapproche de l'enfer, wal'iyadu billah. Pourtant, ils font le même acte en apparence. Ils suivent le même cours. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ils écoutent le même professeur. Ils suivent le même livre. Mais l'un fait cela pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour dissiper son ignorance, pour apprendre la science, pour secourir la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir ensuite la propager parmi les gens. Et l'autre fait cela par ostentation, pour qu'on dise de lui qu'il est sérieux, qu'il étudie et qu'il a de la science, et ainsi de suite. Il ne fait aucun doute que la différence entre ces deux est immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « Celui qui apprend une science par laquelle on recherche le visage d'Allah et ne l'apprend que pour atteindre un bien de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis. » Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Pourquoi? En raison de sa mauvaise intention. Comme ceux qui apprennent le Coran pour qu'on dise qu'ils sont hafiz, qu'ils ont mémorisé, pour se vanter auprès des gens, et ainsi de suite parmi les mauvaises intentions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous accorder la sincérité dans l'ensemble de nos paroles et nos actes. Donc après nous avoir clarifié l'importance de l'intention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple concret afin de clarifier les choses, afin que chacun comprenne ce fondement qu'il veut nous enseigner. Et il a pris l'exemple de celui qui accomplit une noble adoration, une obligation immense qui est la hijra, l'émigration, qui est le fait de délaisser une terre de mécréance et de polythéisme pour se rendre vivre dans une terre d'islam. Et ceci est une obligation immense. et une adoration très noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la hijra est vers Allah et son messager, alors sa hijra est vers Allah et son messager. Vers Allah, c'est-à-dire qu'il émigre en recherchant la récompense d'Allah et le secours de la religion d'Allah. Et vers son messager de son vivant, auprès de lui, afin de lui tenir compagnie, de mettre en pratique sa sunna, de le défendre et de soutenir sa religion. Et après sa mort, la hijra vers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle consiste à émigrer vers sa sunna et émigrer vers sa législation. Tu émigres donc vers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour secourir la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la mettre en pratique comme il se doit. Et celui dont telle est l'intention, qui émigre vers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a pour intention d'émigrer pour pouvoir sauver sa religion, pour pouvoir secourir la religion d'Allah en la mettant en pratique, en œuvrant comme Allah l'a ordonné, en accomplissant ce qu'Allah a ordonné et en délaissant ce qu'Allah a interdit, alors il obtiendra la bonne rétribution de son action, incha'Allah ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, et celui dont la hijra est pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite acquérir, ou pour une femme qu'il souhaite épouser, alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Mais dites bien sur cette phrase, sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré, cette chose sans valeur, cette chose vile. La rétribution de son action correspond à son intention. S'il émigre dans le but d'un commerce, par exemple, il a entendu que dans tel pays, il pouvait vous trouver telle marchandise, qui peut se vendre à un bon prix, et qui rapporte beaucoup. Alors il s'est rendu dans ce pays pour cela. Ou alors il a entendu que dans tel pays, il y a un emploi mieux rémunéré que dans le pays de mécréance dans lequel il vit. Et que dans ce pays musulman, par exemple, il n'y a pas d'impôts. Ou alors les impôts sont moindres. Et il émigre pour cela, et il va ouvrir son entreprise là-bas, par exemple. Ou il entend que la vie, dans ce pays, est une vie plus paisible, une vie plus confortable. Et c'est pour cela qu'il émigre. Celui-ci, sa hijra, en réalité, elle n'est que pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite acquérir. Et il n'aura que ce qu'il souhaite acquérir, si Allah subhanahu wa ta'ala le lui facilite. Car il se peut même qu'il n'obtienne rien de cela, qu'il n'obtienne pas ce qu'il recherche, et qu'il ne récolte de son émigration que la fatigue et les problèmes, Wallahu musta'an. Contrairement à celui qui a émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis main, refuge et abondance. Celui qui est sincère, il obtiendra sa récompense ici-bas et dans l'au-delà. L'autre exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, celui qui émigre pour épouser une femme. Il entend que il est plus facile dans tel pays de se marier. Ou alors, il a demandé en mariage une femme, et celle-ci a émis comme condition, pour se marier avec lui, qu'il vienne vivre avec elle dans son pays, ou qu'il émigre dans un pays musulman. Alors celui-ci, sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Il a émigré pour se marier. Alors, sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Et il est rapporté un récit à ce sujet au temps des compagnons, radiallahu anhum, d'un homme qui avait demandé en mariage une femme appelée Qais. Et celle-ci a exigé, pour accepter sa demande en mariage, qu'il émigre, qu'il accomplisse la hijra. Alors celui-ci a émigré. Les gens le surnommaient alors Muhajir Qais, celui qui a émigré vers Qais. Donc vous voyez l'importance de l'intention, l'importance de vouer l'ensemble de nos actes à Allah subhanahu wa ta'ala afin de profiter de la bonne rétribution de nos adorations. Combien sont ceux aujourd'hui à être dans l'insouciance de cela? Comme si la sincérité était une chose acquise, comme s'il n'était pas possible pour le croyant d'être distrait, d'avoir de temps à autre une intention corrompue. Personne parmi nous n'est à l'abri. Et la hijra ici n'est qu'un exemple. On peut citer également l'exemple de la mosquée. Et on va voir un hadith à ce sujet de celui qui se rend à la mosquée seulement pour prier. Et un autre qui se rend à la mosquée parce qu'il veut voir ses amis, parce qu'il veut discuter après la prière, ou autre chose semblable. Ces deux-là, ils ne sont pas égaux. Et il en est de même pour les assises de sciences. Dans certains endroits, il se peut qu'il y ait des cours, durant certains jours ou dans certains lieux, et les gens s'y réunissent. Certains s'y rendent sincèrement pour apprendre la science, pour profiter, pour se rapprocher d'Allah. Et d'autres pour l'ambiance, pour voir leurs amis, pour pouvoir aller manger avec ses amis après le cours ou après la conférence, et ainsi de suite. Ceux-là également, ils ne sont pas égaux. Chacun sera rétribué en fonction de ses intentions. C'est pour cela, mes frères, qu'il est important de sans cesse revoir nos intentions et d'œuvrer seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala afin de profiter de la rétribution et de la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nobles actions. Et celui qui œuvre pour des biens vils de ce bas monde, pour des biens éphémères ou qui agit de manière ordinaire, sans renouveler ses intentions, sans veiller à atteindre la sincérité dans ses actes, alors il risque de ne récolter de ses actes que la fatigue et les regrets. Wallahu al-musta'an. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.